capitaine. Ils veulent pas nous voir monter, mais notre amour défie toute loi de gravité. T'es à moi, personne pourra prendre ta place. Oh, je t'ouvre les portes de mon cœur, donc bébé, installe-toi. Viens avec moi, toi qui m'abandonne, toi qui je nous quitte, t'écoute pas les Andy. Ton beau sourire illumine la concu, je nous quitte, t'écoute pas les Andy. C'est à moi, c'est mon bijou, toi c'est moi, ça les rend jaloux. C'est à moi, c'est mon bijou, toi c'est moi, ça les rend jaloux. Je donnerai ma vie quand je meurs d'amour pour toi, bébé. Je connais tes goûts raffinés, donc je me dois de charbonner. J'ai lancé ma maman, toi c'est Nango. Dans le lac de ta vie, je veux naviguer du bateau, être le capitaine. Ils veulent pas nous voir monter, mais toi c'est moi. Viens avec moi, toi qui m'abandonne, toi qui tu nous quittes, t'es tout parler.